Oui, alors vous êtes toujours à l'écoute de Futur Simple sur CKRL 89,1 et nous allons rester dans le thème des changements climatiques et des impacts qu'ils peuvent avoir sur nous. Mais cette fois-ci, on va se concentrer sur un événement en particulier, le phénomène El Niño. Alors pour nous en parler, j'accueille notre chroniqueuse Adeline Parent. Bonjour Adeline. Bonjour. Alors Adeline, les pêcheurs péruviens ont remarqué depuis des siècles que certaines années, au moment de Noël, les eaux de surface sont plus chaudes que la normale. Et cette accumulation d'eau chaude perturbe considérablement leurs activités. D'autre part, on sait que les catastrophes naturelles, les sécheresses, inondations ou encore les cyclones tropicaux, en fait, sont d'autres événements associés à ce phénomène baptisé El Niño. Alors, pourrais-tu nous expliquer en quoi cela consiste? Alors, en temps normal, les côtes américaines du Sud ont d'importantes remontées d'eau froide. On appelle ça des courants froids d'Humboldt. Ces eaux sont pleines de nutriments venant des fonds marins qui nourrissent le plancton. Comme le plancton est la nourriture de beaucoup de poissons, ces derniers prolifèrent dans cette zone. Et c'est alors une formidable pêche qui attend les Péruviens. Mais lors des années de El Niño, l'eau froide des fonds marins ne remonte plus du tout et cause un réchauffement des eaux océaniques de surface et donc une diminution du phytoplancton. Les poissons, par manque de nourriture, migrent plus vers le nord. Mais également, dans cette même période, les régions tropicales, habituellement peu pluvieuses, du nord du Pérou et de l'Équateur, connaissent des précipitations abondantes. C'est donc pour ça que, autrefois, en fait, une année El Niño, pour les pêcheurs, était toujours négative, mais pour l'agriculture, était considérée comme une année abondante. Tout à fait. Les Péruviens ont baptisé ce phénomène, comme tu l'as dit, El Niño, l'enfant, et c'est en référence à l'enfant Jésus, parce qu'en fait, il se produit toujours à la période de Noël. D'accord. Du point de vue météorologique, El Niño se manifeste sur l'ensemble du Pacifique, notamment par des sécheresses parfois fortes en Asie du Sud, Asie du Sud-Est et en Australie, et d'intenses précipitations sur la côte ouest de l'Amérique du Sud. Mais en fait, El Niño, qu'est-ce que c'est au juste? Alors, El Niño, c'est beaucoup de choses, mais c'est entre autres une variation climatique. Ça se produit dans l'océan Pacifique équatorial, donc la zone Pérou, Chili, Équateur, Colombie. C'est caractérisé par des variations de température à la surface de la mer, à l'est de l'océan Pacifique. C'est également des variations de pression de l'air au-dessus de cet océan, que l'on appelle oscillation australe. Et ça a une quasi-périodicité de 2 à 7 ans, et ça dure entre 12 et 18 mois. Mais le fonctionnement exact de ce phénomène est le suivant. En temps normal, on a les alizés, c'est des vents qui soufflent d'est en ouest, repoussant les eaux de surface du Pacifique, tout ça vers l'Australie, les Philippines, et ça crée à l'ouest du Pacifique donc un réservoir d'eau chaude. Là-bas, il fait toujours très très chaud. En traversant l'océan, ces vents qui sont à la surface de l'océan se chargent en humidité, créent un amas de nuages, et ça se libère sous forme de fortes pluies sur cette zone d'eau chaude, c'est-à-dire la zone des Philippines et Australie. À l'autre extrémité, le long des côtes du Chili-Pérou, donc à l'est, il y a des eaux froides riches en sels nutritifs qui remontent à la surface avec un phénomène appelé upwelling et ça favorise entre autres la multiplication des anchois. Mais lorsqu'il y a El Niño qui se réveille, les vents d'ouest apparaissent à l'extrémité ouest du bassin. Donc en fait, ils sont un petit peu dans le sens inverse. Ils repoussent le réservoir d'eau chaude vers le centre du Pacifique équatorial. Donc la zélésie, tout ça, tous ces vents est-ouest s'affaiblissent, voire des fois disparaissent quand El Niño est très fort. La zone des précipitations et des cyclones se déplace également vers l'est, provoquant des pluies abondantes sur les îles du centre du Pacifique. Il y a de nombreuses inondations sur la côte ouest de l'Amérique du Sud, d'ailleurs. La thermocline se redresse. Alors, c'est quoi la thermocline? C'est la zone limite entre eau chaude et eau froide. Les eaux froides ne peuvent plus remonter le long des côtes du Chili et du Pérou. Donc, il n'y a plus les fameux upwelling. Et les eaux restent chaudes. Et avec la disparition des sels nutritifs, comme je le disais avant, les espèces marines se raréfient brutalement. Et c'est la dèche pour les pêcheurs. Et bon, tu viens de nous expliquer en fait le phénomène El Niño, mais qui touche le Pérou, mais en fait il semble que ça a des répercussions sur le monde entier, ça. Effectivement, l'influence d'El Niño s'étend sur la majeure partie du globe, de l'Asie du Sud-Est à l'Afrique, en passant par l'Antarctique et l'Amérique du Nord, donc vraiment une globalité. Donc des répercussions ici. Exact. Je vais par contre vous expliquer comment Sir Gilbert Walker a réussi à démontrer cet impact mondial. Nous sommes en 1920, c'est un météorologiste britannique du nom de Sir Gilbert Walker qui est envoyé par Sa Majesté en Inde afin de trouver un moyen de prévoir la mousson asiatique. Je ne sais pour quelle raison il se mit en contact avec des scientifiques sud-américains qui lui fournirent le résultat de leurs études sur les effets locaux d'El Niño. Et en 1923, il se rendit compte que la pression augmentait à l'ouest, donc de son côté en Inde, quand elle diminuait à l'est, donc du côté de ses collègues au Pérou, c'est-à-dire le phénomène El Niño. Il nomma ce phénomène Southern Oscillation, l'oscillation australe en français. Il a également déterminé un index auquel on lui donna son nom, le fameux index de pression Walker, qui a pour fonction de mesurer l'écart de pression entre l'Est et l'Ouest du l'océan Pacifique. En même temps, j'imagine. Exact. Simultané. Donc, quand l'indice, donc l'écart de pression augmente, la pression est élevée à l'Est du Pacifique, côté Pérou, les alizés sont plus forts, c'est tout à fait normal. Lorsqu'il y a un indice plus bas, les alizés sont moins puissants, entraînant les hivers plutôt doux dans le Canada, entre parenthèses, et l'Amérique occidentale. Le tout est accompagné par des sécheresses en Australie, en Indonésie, en Inde et certains secteurs africains. Des fois, le phénomène El Niño peut être si intense que certaines années, les alizés ont une vitesse presque nulle et même des fois sont carrément inversés. Okay. Donc par exemple, la fréquence d'El Niño peut aller, donc toujours on l'a dit, de 2 à 7 ans, et celles qui ont été particulièrement intenses, c'était celles de 1982-83 et 97-98. Mais bon, l'origine de cette oscillation quasi-cyclique, là, couplant océan, atmosphère et tout, c'est encore très très peu bien expliqué par les scientifiques. On a entendu également parler d'un autre phénomène, la Niña. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le sujet? Le phénomène la Niña, c'est donc l'inverse de El Niño. C'est, on dit El Niño. C'est la féminisation. Oui. Ça veut dire l'enfant. C'est la fille. La fille, la fillette. En fait, en situation El Niña, on a un renforcement des alizés, donc les vents dont je parlais il y a quelques instants, qui poussent et donc réduisent le réservoir d'eau chaude à l'ouest. Mm-hmm. Donc ça, c'est vraiment des très grands, forts vents est-ouest. On se retrouve alors avec des conditions plus froides encore dans le Pacifique tropical. Les vents écartent encore plus à l'ouest les nuages. La zone de précipitation se positionne encore plus loin, sur l'Indonésie par exemple, en créant de fortes pluies dans ce secteur. Et le climat devient encore plus sec au large des côtes américaines, effectivement, puisque tous les vents poussent les nuages de l'autre côté, ça devient sec du côté Amérique. Et il y a donc une intensification du upwelling, donc système vraiment, il faut vraiment voir ça comme une boucle. Donc les courants marins remontent encore plus, on a donc les anchois, par exemple, qui prolifèrent du côté du Pérou. Effectivement, ça serait bénéfique. Oui, il faut trouver quelque chose de positif là-dedans. C'est ça. En tout cas, la Niña impose des effets globaux opposés à ceux d'El Niño. Donc, par exemple, on a les sévères sécheresses au Pérou et au Chili, comme je le disais, la formation des cyclones qui se déplacent vers l'ouest. Donc maintenant, alors qu'elles sont d'habitude que sur le Pacifique, elles vont carrément atteindre les côtes de la Chine. On a des fortes précipitations en Indonésie, en Malaisie, en Philippines et au Canada, pour rester local. Les hivers génèrent encore plus de neige, comme ce qu'on a vu en 2007-2008, où il y a eu des records d'accumulation. Ben oui, tout à fait. Mais est-ce que les changements climatiques dont on parle si souvent vont avoir un effet sur la fréquence d'El Niño, en fait, dans les années à venir? Alors, les chercheurs ont observé que la fréquence des années El Niño augmentait et que celle des années La Niña diminuait. Les chercheurs ont suggéré que cet effet pouvait être relié au réchauffement planétaire, mais ce n'est pas sûr à 100%. Ouais. Les climatologues savent par contre que le climat moyen du Pacifique va changer à cause de ce fameux réchauffement climatique. Et pourquoi? Parce que s'il y a une très forte probabilité que les alizés diminuent, en même temps, on a la température de surface qui va avoir tendance à s'homogénéiser sur l'ensemble de l'océan Pacifique, puisque si les alizés diminuent, on homogénéise un petit peu la température, et on va alors rentrer dans les conditions correspondant à ce que je disais donc sur le fameux El Niño, et on va donc avoir des El Niño encore plus intenses et donc plus fréquents. Est-ce que tu peux nous donner des exemples sur des observations mondiales dues à El Niño? Alors, je vais surtout vous parler de la version 97 d'El Niño. Alors, cette année-là, on a eu quoi? On a eu des sécheresses et des feux de forêt en Indonésie. On a eu une tempête battant des records qui a déversé 25 cm de neige au sud-est des États-Unis. Ouais. On a eu des vagues atteignant plus de 4 mètres de haut qui ont déferlé sur le sud de San Francisco. Des tornades atteignant 400 km/h en Floride. Et la température moyenne estimée du globe a même augmenté en surface. Et au Canada, encore une fois, on a eu des hivers les plus doux et les plus secs lors de cette année-là. Même si l'effet est effectivement moindre dans les provinces maritimes, les chercheurs ont émis l'hypothèse que le fort épisode El Niño de 97 a été à l'origine de la fameuse tempête de pluie verglaçante qui a touché le sud du Québec et de l'Ontario. En 98, là. Oui, c'est ça, c'est 97-98. Selon le rapport de l'ONU, El Niño, donc le fameux 97-98, ouais. C'est parce que ça se déroule en fait sur une année. Oui, c'est ça. Ça commence en décembre 97 au Pérou, puis finalement ça se met un an pour tout s'homogénéiser sur la surface de la Terre. Mais en tout cas, celui-là, il a fait plus de plusieurs milliers de morts et de blessés et a provoqué des dégâts estimés à 32,96 milliards de dollars. Alors, franchement. C'est pas négligeable. Non, c'est pas négligeable. C'est pas pour rien que, en fait, comme celui qui a parlé tout à l'heure disait que les assurances augmentent aussi. je comprends tout à fait. La dernière fois, avec la chronique sur les cyclones et les choses comme ça, là, c'est, ah, c'est impressionnant. Sinon, je finis avec un petit exemple rapide de El Niño. Donc, on se souvient tous des derniers Jeux Olympiques d'hiver 2010. Oui. Et ben, d'après les scientifiques, c'est le phénomène El Niño de cette année-là qui aurait provoqué le réchauffement de cette partie du Canada. Et la ville de Vancouver s'est donc retrouvée avec un climat similaire à un climat tropical. Alors qu'on espérait avoir les super Jeux Olympiques d'hiver. Oui. Ben non. Dans de la neige, effectivement. Voilà. Merci infiniment, Adeline. C'était vraiment très intéressant. Alors, je t'en on va passer en pause publicitaire et on vous revient tout de suite après la pause. Au revoir.